jamais où se situe l'amour avant qu'il ne nous tue. On distingue bien peu ses contours dans ces nuits où nous rêvons nus. Il faut un peu plus d'une fièvre d'un s'imposer sur des lèvres pour effacer la même antienne, faire que nos sens se souviennent juste ton regard soudain troublé, ta peau l'électricité, ce visage dans ma paume inscrit, ta force vive qui me nourrit. Oh mademoiselle K, ton visage m'invite. Oh mademoiselle K. Nos âmes sont avides, elles parcourent un champ inconnu. Avec en elles la peur du vide, vois-tu comme ces jours, par hasard, tu composes ma voix d'un regard. Sache que dans chaque mot que je dis, tu es là sur mon souffle inscrit. Dernier tu tombes et se rempart d'amitié de cadavres exquis. Que le chemin sans retard accole le jour à la nuit. Oh mademoiselle K, ton visage m'a